Fais pas genre, présenté par l'association Libertel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison de Fais pas genre, toujours animée par l'association Libertel sur Fadjet. Donc vous pouvez toujours retrouver nos podcasts de l'an dernier sur fadjet.net et nous écouter un mercredi sur deux à midi sur Fadjet 94.2 FM. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver donc pour cette nouvelle saison 2022-2023 de Fais pas genre. Et aujourd'hui, nouveau chapitre qui s'ouvre sur qu'est-ce que la violence en ligne à l'encontre des femmes. Vous n'avez jamais entendu parler du doxing, de revenge porn, alors vous êtes au bon endroit. Voici 6 choses que vous devriez savoir au sujet de la violence en ligne. La violence en ligne à l'encontre des femmes est devenue un phénomène par trop courant. D'autant plus si vous êtes une femme issue d'une minorité raciale, ethnique ou religieuse. Si vous êtes handicapée ou encore si vous êtes lesbienne, bisexuelle ou trans ou toute autre combinaison de ces caractéristiques. Ce type de violence crée un environnement en ligne hostile, visant à couvrir des femmes de honte, à les intimider ou à les rabaisser. Toutes les formes de violence ne constituent pas systématiquement une infraction. Mais elles ont toujours un impact sur les droits des femmes. Dans le cadre d'une récente enquête menée dans 8 pays par Ipsos Mori, 23% des femmes sondées, soit près d'un quart, ont indiqué avoir fait l'objet d'injures ou de harcèlement en ligne. Mais alors, quels sont les différents types de violences en ligne et qu'est-ce que le doxing ? La violence en ligne à l'encontre des femmes, qui peut prendre bien des formes, est une extension des violences faites aux femmes dans la vie réelle. Elle peut comprendre des menaces directes et indirectes de violence, comme des menaces physiques ou sexuelles. Parmi les femmes sondées ayant été victimes de violences en ligne, 26% ont indiqué avoir été menacées, directement ou indirectement, de violences physiques ou sexuelles. Parfois, ces menaces quittent rapidement le monde virtuel. Pamela Merritt, militante et blogueuse américaine gérant le site angryblackbitch.com, a reçu des centaines de menaces en ligne. Elle témoigne « J'ai fini par accepter le fait que je suis prête à mourir pour mon travail. » C'est une éventualité. Lorsque vous recevez 200 menaces de mort, il suffit d'une seule personne qui veuille vraiment vous tuer. Les contenus sexistes, racistes, homophobes ou autres visent certaines identités, de même que les contenus destinés à rabaisser, humilier ou discréditer quelqu'un. Diana Bott, parlementaire britannique, explique que les injures qu'elle reçoit visent non seulement son genre, mais aussi sa couleur de peau. Des gens nous envoient des centaines de courriels en employant le terme « négresse ». Voilà le genre de réaction que nous avons. C'est très raciste et sexiste. Ils parlent de mon apparence physique, en des termes qu'ils n'utiliseraient pas pour un homme. On m'attaque en tant que responsable politique à la fois, parce que je suis une femme et parce que je suis noire. Le harcèlement en ligne implique une ou plusieurs personnes travaillant ensemble afin de prendre une femme pour cible en lui envoyant des messages ou des images insultants sur une courte durée ou de façon coordonnée dans le but de l'humilier ou de l'ébranler. Si Akiwowo, femme politique britannique à l'origine de la campagne contre les violences en ligne, Glitch UK, a expliqué avoir été attaquée en ligne après qu'une vidéo de son intervention au Parlement européen est devenue virale. C'était un torrent de commentaires et d'insultes haineux, racistes et sexistes. Par la suite, elle a découvert que cette vidéo était hébergée sur un site néo-nazi. J'étais sur un site néo-nazi et les abonnés étaient incités à m'attaquer en masse sur YouTube et Twitter. Je voulais vous parler d'un autre phénomène qui s'appelle le doxing, comme je vous ai dit en introduction. Le doxing consiste à diffuser en ligne des documents, ou dox, d'où le terme dox, D-O-X, ou des informations personnelles concernant une personne en particulier sans son consentement. Cela peut inclure l'adresse de la personne, son véritable nom, les noms de ses enfants, son numéro de téléphone ou son adresse électronique. Le doxing est une atteinte à la vie privée, c'est important de le souligner, qui vise à ébranler la personne, la faire paniquer ou l'inquiéter. Parmi les femmes sondées ayant fait l'objet de harcèlement ou d'injures en ligne, 17% ont indiqué que leur information personnelle avait été divulguée de cette manière. L'expérience de Pamela Merritt montre à quel point il peut être dangereux de publier ses données privées. Un jour, j'ai reçu un courriel du FBI qui souhaitait me parler d'activités liées à mon blog. Un suprémaciste blanc essayait activement de trouver mon adresse. On est passé à un autre niveau. Et moi, je vais vous parler encore d'un autre niveau qui est... Donc on a le harcèlement en ligne, le doxing, et on a un autre niveau qui est le revenge porn. Cette pratique est souvent le fait d'un ex-partenaire qui souhaite ébranler ou humilier une personne, ou lui faire du chantage. On parle alors comme je vous l'ai dit, de revenge porn. Ce terme connoté n'est cependant pas satisfaisant, car il ne traduit pas le fait que diffuser ce genre de contenu viole le droit à la vie privée. Même si une femme consent à ce qu'on la prenne en photo ou on envoie des photos à quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'elle autorise cette personne à partager plus largement ses images. C'est l'aspect non consensuel du revenge porn qui le distingue des contenus à caractère sexuel publiés plus largement sur Internet. Quelques 10% des femmes sondées aux États-Unis ayant fait l'objet d'injures ou de harcèlement en ligne ont indiqué avoir été victimes de cette pratique. Mais alors, qui se cache derrière ces violences ? Voici ce qu'on appelle le troll. Il s'agit parfois de l'auteur ou des auteurs des actions mentionnées ci-dessus. Les femmes concernées peuvent connaître l'identité des personnes qui les attaquent, mais ce n'est pas toujours le cas. Parmi les femmes sondées ayant fait l'objet d'injures ou de harcèlement en ligne, 59% ont indiqué que les auteurs de ces agissements leur étaient inconnus. Mais 15% d'entre elles ont été prises pour cible par leur partenaire actuel ou par un ex-partenaire. Les trolls d'Internet ne sont pas des créatures fantastiques qui vivent sous des ponts, mais des personnes ordinaires qui publient délibérément des messages injurieux. Parfois dans le but d'inquiéter, d'ébranler ou d'humilier la victime. On ne cesse de le répéter, je ne cesse de le répéter. Et pour pousser les femmes à quitter Internet. Il arrive que des trolls lancent des attaques en ligne coordonnées et ciblées, qui peuvent prendre n'importe quelle forme parmi celles citées, voire toutes à la fois. Au final, tous les types de violences en ligne ont un effet dissuasif sur les femmes et bafouent leur droit à la liberté d'expression. Non seulement les femmes ont tendance à se censurer par peur des représailles en ligne, mais cela peut les pousser à quitter définitivement les réseaux sociaux. Quel que soit le point de vue adopté, les femmes sont réduites au silence. Elles ont pourtant le droit, comme tout le monde, de s'exprimer librement et sans crainte. 4000 femmes ont été sondées dans 8 pays. 911 ont déclaré qu'elles avaient subi des violences ou du harcèlement en ligne et 688 d'entre elles que cela s'était déroulé sur une plateforme de réseau social. On va faire une petite pause musicale et je vous retrouve juste après dans Fais pas genre pour parler de l'impact psychologique des violences sur Internet qui s'avère dévastateur. A tout de suite. Words like knives and swords and weapons that you use against me. You have knocked me off my feet again, got me feeling like a nothing. You, with your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I'm wounded. You, picking on the weaker man. Well, you can take me down with just one single blow. But you don't know what you don't know. Someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is mean. Someday I'll be big enough so you can't hit me, and all you're ever gonna be is mean. Why you gotta be so mean? Switching sides in your wildfire lies and your humiliation. You have pointed out my flaws again, as if I don't already see them. I walk with my head down, trying to block you out, 'cause I'll never impress you. I just wanna feel okay again. I bet you got pushed around. Somebody made you cold. Gotta be so mean. All you are is me. Et nous revoilà donc dans Fais pas genre avec l'association Libertel et notre sujet du jour qui concerne les violences faites aux femmes sur Internet. Et donc du coup, dans cette deuxième partie d'émission, je souhaitais, donc après une description, des définitions sur les différentes formes de violences sur Internet qu'il existe envers les femmes, je souhaitais vous parler de l'impact psychologique des violences qui s'avère dévastateur pour les femmes. Dans tous les pays, 61% des femmes ayant déclaré avoir subi des violences ou du harcèlement en ligne ont affirmé que cela avait provoqué une baisse de l'estime de soi ou une perte de confiance en soi. Plus de la moitié, 55% très exactement, ont déclaré avoir été victimes de stress, d'angoisse ou de crise de panique après avoir été la cible de violences ou de harcèlement en ligne. 63% ont déclaré que les abus ou le harcèlement en ligne ont provoqué chez elles des troubles du sommeil. C'est le cas des trois quarts. 75% des femmes interrogées en Nouvelle-Zélande. Plus de la moitié, 56%, ont également déclaré que les abus ou le harcèlement subi avaient généré une perte de leur capacité de concentration pendant de longues périodes. Finalement, ça en deviennent des femmes réduites au silence. C'est ce que j'abordais à la fin de la première partie de l'émission. Les réseaux sociaux, particulièrement pour les femmes et les groupes marginalisés, sont un espace essentiel s'agissant d'exercer son droit à la liberté d'expression. Les violences et les abus en ligne constituent une menace directe pour cette liberté d'expression. Plus des trois quarts des femmes ayant déclaré avoir subi des violences ou du harcèlement sur une plateforme de réseau social ont modifié la manière d'utiliser ces plateformes. Elles ont notamment limité ce sur quoi elles postent. 32% ont cessé de publier du contenu véhiculant leur opinion sur certains sujets. Les réseaux sociaux contribuent à renforcer la liberté d'expression, notamment l'accès à l'information, de bien des manières. Toutefois, la discrimination et la violence contre les femmes hors ligne ayant migré vers le monde numérique, de nombreuses femmes se retirent des conversations publiques ou s'auto-censurent par peur pour leur vie privée ou leur sécurité. Enfin, près d'un quart, 24% des femmes interrogées ayant vécu des violences sur Internet ont déclaré avoir eu peur pour leur sécurité réelle dans la vie réelle et pour la sécurité de leur famille. La liberté d'expression n'englobe pas l'incitation à la haine. Le droit à la liberté d'expression protège une expression qui peut s'avérer offensante. Toutefois, la liberté d'expression n'englobe pas l'incitation à la haine ou à la violence. Qui plus est, chacun doit jouir de manière égale du droit à la liberté d'expression, qui englobe le droit pour les femmes de s'exprimer et de vivre sans être soumises aux violences ni aux atteintes aux droits humains, en ligne comme hors ligne. Les plateformes de réseaux sociaux affirment haut et fort qu'elles ne tolèrent pas les violences ciblées fondées sur le genre ou tout autre élément de l'identité d'une personne. Et elles doivent désormais faire appliquer leurs propres normes collectives. Elles doivent aussi autoriser et habiliter les utilisateurs à se servir des options de sécurité individuelle et de confidentialité comme le blocage, la désactivation et le filtrage de contenu. Cela permettra aux femmes et aux internautes en général de vivre une expérience en ligne moins toxique et nuisible. Les divers types de violences et d'abus sur Internet nécessitent des réponses des gouvernements et ou des entreprises, en fonction de leur nature ou de leur gravité. Dans tous les pays sondés, le nombre de femmes ayant déclaré que les politiques gouvernementales visant à faire face aux violences sont inadaptées était significativement plus élevé que celles qui les trouvent adaptées, avec 5 fois plus de femmes en Suède déclarant que ces politiques étaient inadaptées, soit 57%. Environ un tiers des femmes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande ont déclaré que la réponse des services de police aux violences en ligne était insuffisante. Il ressort également du sondage que les femmes estiment que les entreprises de réseaux sociaux doivent faire davantage. Seuls 18% des femmes interrogées dans tous les pays ont déclaré que les réponses de ces entreprises étaient très, assez ou complètement adaptées. Les entreprises de réseaux sociaux ont la responsabilité de respecter les droits humains, notamment le droit à la liberté d'expression. Elles doivent faire en sorte que les femmes qui utilisent leur plateforme puissent le faire librement et sans avoir peur. Les entreprises de réseaux sociaux doivent aussi veiller à ce que les modérateurs soient formés pour identifier les menaces et les violences liées au genre et à d'autres éléments de l'identité sur leur plateforme. Par ailleurs, et ça sera le mot de la fin, il est temps que les gouvernements fassent en sorte que des lois, des politiques, des pratiques et des formations appropriées soient mises en place afin de prévenir les violences et abus en ligne à l'égard des femmes et d'y mettre un terme. Cependant, il est essentiel de veiller à ce que l'exercice légitime de la liberté d'expression ne fasse pas l'objet de restrictions ni de sanctions excessives. S'attaquer aux violences et aux atteintes aux droits humains sur Internet ne doit pas servir d'excuse pour restreindre l'exercice de la liberté d'expression. Voilà, c'était le mot de la fin sur Fadjet. Je remercie d'ailleurs Fadjet de me laisser ma liberté d'expression, la liberté d'expression pour Libertel et tous les bénévoles et les personnes qui construisent cette belle radio locale. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans 2 semaines, mercredi à midi, sur Fadjet 94.2. À bientôt.